Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 124. J'espère que tout le monde va bien. En ce dimanche 17 septembre, en plein milieu de l'après-midi, il est 3h de l'après-midi. Fait que, ouais, j'avais un moment, là, aujourd'hui, de lousse. Je suis allé régler quelque chose. Mes enfants sont occupés, ma blonde allait marcher avec une de ses amies et tout. Fait que, donc, j'en profite pour faire des affaires. C'est ça, la nouvelle réalité, puis j'aime beaucoup ça. Avoir du temps libre, pour moi, pour faire des trucs la fin de semaine. Il y avait 2 barils de bière, de la Super Brosse. La première bière qu'on a faite avec l'espace public, Rétro Montréal et l'espace public. Donc, l'année passée, qu'on vendait à l'arcade. Et puis, les 2 kegs étaient encore à l'arcade dans le quotidien de tout le monde, dans notre face, depuis un an. Parce qu'on n'a jamais réussi à se synchroniser pour que l'espace public vienne les chercher. Ils ont arrêté de répondre, puis whatever, tout le monde est occupé, tout le monde passe à autre chose. Puis là, ils ferment la rue Saint-Denis. Fait que tu peux pas y aller en char, tu sais. Fait que tu peux pas aller chercher les kegs. Amener ça, ton char, tu peux pas te parquer devant le bar, tu sais, c'est tannant. Fait que là, cet après-midi, fuck off, Saint-Denis, fermé ou non, j'y suis allé, je me suis parqué une place que j'avais pas le droit, j'ai pris les 2 kegs vides dans mes mains, j'ai mis ça dans mon char, puis je viens d'aller domper ça à l'espace public. Tu sais, là, quand tu closes un dossier, que ça traîne depuis tellement longtemps, fait que cela est réglé. Alors, c'est merveilleux. Je vais continuer dans la bière. Juste avant, un merci à Level Up Coffee, les cafés Level Up, de commanditer ce beau spectacle. Donc, rendez-vous au levelup.coffee sur leur site web pour commander de succulents cafés. 3 sortes, café gaming, man. Et puis, utilisez le code PAPA10 pour avoir 10% de rabais quand vous commandez sur le site de levelup.coffee. Alors, je les remercie grandement. Et puis, on tiendra les produits Level Up chez Rétro Montréal, nouvelle boutique quand on va réouvrir. Ça sera, je vais parler de tout ça tantôt, mais ça sera un produit qu'on va tenir. Alors, voilà, je les remercie. Fait que c'est ça, je parlais de bière il y a 2 secondes. Là, c'est l'après-midi, je bois de l'eau. Pas trop boire de café là cet après-midi si je veux réussir à dormir à soir. Puis, on a fait une deuxième bière chez Rétro Montréal avec l'espace public. La voici, mesdames et messieurs. C'est la Mario Pint. Vous avez vu ça passer sûrement sur nos médias sociaux. Donc, c'était... eux, là-bas, ils voulaient avoir une bière soit sur le jeu Mario Pint ou sur Dr. Mario. Fait qu'on a fait des esquisses et tout. Puis, finalement, on est allé avec Mario Pint. La prochaine sera peut-être Dr. Mario, on est déjà prêt. Alors, on a fait un crossover entre Bob Ross, le fameux peintre avec le afro, là, qui dessine des paysages, là, puis tout le monde l'aime tellement, puis qui est décédé, mais c'est comme un icône, ce gars-là. Fait que c'est un mélange de ça, Mario. On a gardé exactement... Putain, j'ai l'autre, je vais vous montrer. Pour une fois que j'ai quelque chose d'autre à montrer que juste ma face... Donc, vous voyez, c'est exactement la même face de Mario que sur la Super Brosse. Et Peach, exactement la même face de Peach aussi. Luigi n'est pas présent sur celle-là. Donc, c'était ça, on veut garder les mêmes personnages à chaque fois qu'on fera une bière avec l'espace public. Donc, ça c'est le full set là, que vous voyez, là, les 2 bières Rétro Montréal, Crossover, Espace Public. Puis, la Mario Pint, elle aurait pu être aussi... La Bob Brosse, pour faire suite à la Super Brosse, là, ça a été Bob Brosse, comme virer à la brosse. Mais finalement, les gens ont voté à l'interne pour Mario Pint, P-I-N-T-E, comme dans Pint de bière. Fait que là, ici, sur le cover, sur le dessus de la canette, on voit Mario qui dessine Peach à Mario Pint et puis qui tient une pinte de bière. C'est très mignon. C'est Jonathan Millette, notre collègue et ami, qui a encore une fois fait les illustrations. Moi, j'ai fait le design graphique de ça, donc tous les coulis de peinture et tout ce que vous voyez. Et puis, si vous achetez ça, malheureusement, vous allez voir qu'il y a une faute en arrière. Sortez dans le texte descriptif, sortez vos manettes, manettes pas de S. Alors ça, c'est très déprimant, parce qu'on est plein de monde qui ont regardé ça, puis personne l'a vu. Fait que C'est ça. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans le texte. Mais bon. Donc, il s'agit encore une fois d'une Hochelaga Pale Ale. Donc, une Pale Ale, ça ressemble un peu à un IPA, là, dans le fond. C'est ça. Elle a plus d'amertume que la Super Brosse, qui était un petit peu plus florale. Celle-ci, c'est quasiment le West Coast IPA, je pourrais dire. Mais elle a moins d'alcool. Elle est 5%. La Super Brosse était 5,5. Donc, c'est ça. Plus de torque. La première avait le houblon Citra. Et puis celle-ci, c'est le houblon Eclipse. Alors voilà. C'est présentement disponible à l'espace public, à l'usine de l'espace public ici à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et dans les commerces de bière environnants. Je vais leur écrire cette semaine là, pour voir de quoi ça a l'air les ventes. Et puis je veux taguer toutes les places qui en tiennent. Et puis pour ce qui était de la première, la Super Brosse, elle avait fini par se faire expédier à l'extérieur de Montréal. Vous comprendrez que le brasseur essaye de vendre tout localement le plus proche possible pour pas avoir à payer de l'expédition, hein, faire plus d'argent. S'ils réussissent à toute la passer en une semaine et demie, deux semaines autour de où elle est fabriquée, ben, c'est plus rentable. Mais s'il en reste et puis qu'il faut l'expédier, elle sera expédiée. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois. Or, si vous avez des marchands spécialisés de bière, vous, dans vos places que vous vivez, qui sont pas à Montréal et que vous en voulez, ben dites-leur de communiquer avec l'espace public puis d'en faire shipper ou livrer, peut-être que ça serait possible. Donc c'est à suivre. Et puis voilà. Donc le lancement a eu lieu vendredi, ça fait un petit bout déjà, donc vendredi passé, là pas cette semaine mais l'autre d'avant. Et puis il y avait à l'usine, et puis il y avait un concours de dessin de Mario Paint. Donc on a branché une console, là, puis tu dessinais, puis on prenait en photo. Il y avait des photos qui étaient prises de toutes les œuvres, et puis le gagnant gagnait de la bière. Fait qu'on a fait le party là, c'était bien agréable. Donc toujours cool travailler avec l'espace public. Ce projet-là, il est canné. C'est... Quel jeu de mots incroyable! Il est réglé depuis très longtemps, là, comme le visuel a été envoyé en juillet, et puis le visuel final, et puis sinon, même avant ça, comme tout était dit, tout était fait, tu sais, c'est comme, on fait une bière, ok, on les avait pokés, on aimerait en faire un autre pour être proche de notre lancement de la nouvelle boutique, pour avoir un petit oomph de plus, tu sais, pour souligner ça, pas de problème, ben, ok. Fait que voilà, donc c'est très simple avec l'espace public, c'est merveilleux. Et puis on va essayer de voir s'ils veulent en faire une encore l'année prochaine. Qui sait? Moi j'aime ça, ça me fait un petit portfolio de bière. Là. Ben fier de ça. Donc. Ah, sinon, on va parler de Rétro Montréal un peu, bien sûr. Donc là, je suis en mesure de vous dire des dates. Alors, on est dimanche le 17 septembre. Cette semaine, on va fermer le magasin physique le mercredi 20 septembre. Et puis, on fait des boîtes pendant toute la journée de mercredi, toute la journée de jeudi. Et vendredi matin, le 22, les déménageurs viennent et déménagent tout le contenu de notre boutique dans la nouvelle place. Ensuite, c'est la fin de semaine. Et on recommence lundi. On demeure fermé lundi le 25, mardi le 26, mercredi le 27. Pendant ces jours-là, on place ici en bas, on place, on s'assure que c'est top-notch. Le 28, l'équipe de ménage vient faire un ménage rapide le matin. Et puis, on ouvre, on fait un événement le 28, jeudi le 28, ça va être un événement médiatique. Donc, on invite les médias, on invite les fournisseurs qui sont proches de nous, tout le monde d'importance qui ont collaboré au projet. Mettons notre designer avec qui on fait affaire, les gens des enseignes, etc., qui ont travaillé fort avec nous pour que ça se fasse, eux seront invités. Puis les amis proches, là, nos amis, genre nos parents, ces affaires-là. Fait que c'est un événement fermé au public, comme on avait fait la première fois quand on a ouvert notre boutique. On avait fait un petit lunch comme ça, là, avec médias et amis. Fait qu'on fait encore la même chose. Donc, cela aura lieu jeudi. Et puis, vendredi, le 29, on réouvre officiellement au public à midi. Donc, là, on remet ça propre le vendredi matin. Et c'est à partir de ce moment-là que Rétro Montréal existera de façon permanente au 4023 Hochelaga. On va réouvrir le 29 septembre. Alors, on est bien excités. Au cours des dernières semaines, on voit plus clair pour vrai, là. C'est pour ça que j'arrive pas à faire des podcasts la semaine, parce que j'arrive tout de suite le matin, il y a tellement de choses à faire. Puis plein de choses disparates, là, tu sais, comme, OK, il faut finir, aller donner une ligne de pinceau en bas, faut accrocher des affaires, c'est super compliqué. Après ça, faut venir finir de rédiger le communiqué de presse. Après ça, faut faire des photos pour ci, il faut payer tel compte, il faut aller chercher une affaire. Oups, on a un employé qui est pas présent. Il faut aller remplacer en magasin. Puis là, on fait comme 1000 affaires partout, là, tu sais. Ah, le gars du système d'alarme, faut qu'il revienne parce qu'un de ses panneaux marche pas. Belle, et il faut enregistrer nos messages parce qu'on va avoir une téléphonie maintenant ici chez Retro Montréal. Ça, là, c'est le fun. Fait que quand tu vas appeler, ça va dire bonjour, bienvenue chez Retro Montréal. Pour le service en anglais, faites le 2. Ou ça va le dire en anglais, whatever. Puis là, on a des affaires pré-enregistrées. Donc, on répondra pas au téléphone systématiquement pour tout. On va essayer de régler les demandes des gens via le téléphone pour connaître notre inventaire complet. Rendez-vous à andreodindel.com. Vous voulez vendre des jeux? Allez sur notre site web. Non, nous n'avons pas de PlayStation 5 en stock. Ben, quoi que ça, on ne nous le demande plus bien, bien, là. Mais pour nous connaître nos heures d'ouverture. Puis à la fin de tout ça, tu veux vraiment, t'es sûr, parler à quelqu'un, fais le 1. Fait que, on espère être capable avec ça de régler beaucoup de messages. Donc ça, c'est un bel ajout, là. J'ai bien hâte. Fait que non, vendredi, ça a été une grosse journée, là. Vous allez capoter, je vous dis. C'est épique, là, tout ce qu'on est en train de faire ici, là. Je peux pas rien vous révéler pour tout de suite, là, mais la voûte, la déco, les affaires, là, et même tout, là. C'est tellement next level, là. C'est fou raide. Fait que là, j'essaie de trouver quelqu'un pour faire un vidéo. J'aimerais avoir un beau petit vidéo corpo propre là, qui présente l'extérieur, l'intérieur, tout ce qu'on fait, et puis de quoi de facilement partageable. Comme ça, tout le monde va savoir qu'est-ce qui se passe quand tu viens chez Retro Montréal, et puis tout ça. Hey, j'ai rien dans mes cheveux aujourd'hui, hein. J'ai les cheveux foufou. J'ai comme, je sors de la douche, je fais mes affaires. Je pensais même pas enregistrer aujourd'hui, en fait, j'étais en charge, je m'en venais ici, puis je dis, hey, j'ai du temps, j'aurais le temps, en fait. Fait que là, je le fais, donc c'est pour ça, vous me pognez sur le fly. Puis ouais, ben donc, je peux pas tant, je me rends compte que je peux pas vous dire les affaires maintenant, mais tout cela sera publicisé au maximum, photos, vidéos et tout, puis... ouais. Puis, tu sais, il y a plein d'autres détails aussi. Il faut changer tous nos horaires sur Google. Il faut déménager le siège social à Revenu Québec. T'sais. Bon, ça, on le fera par après, là. Mais il va rester plein d'ajustements comme ça. On voit plus clair, pour vrai. J'étais pas nerveux tant que ça. Je suis beaucoup plus, sans l'être follement pour l'instant. Disons que la journée de vendredi, quand moi et Joe, on n'a pas fait d'ordinateur de la journée, puis on était en bas, puis on a batté une affaire après l'autre, tac, tac, tac. Ça m'a enlevé de l'anxiété un peu. Mais ouais. Fait qu'on y arrive, il va y avoir tout un blitz à donner encore, là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, le déménagement. Hey, on a calculé qu'il fallait environ 200 boîtes pour transporter tous les jeux de là-bas à ici. 200! Pas des grosses boîtes, parce que tu peux pas mettre des milliers de jeux dans une boîte non plus, ça va être tellement lourd, tu sais, fait qu'il faut que les déménageurs soient capables de les manier. Mais ouais, on va... c'est 200 boîtes. On en a des jeux, c'est malade. Puis il va falloir ajuster le coin shipping ici aussi, là, tout ça va se faire embourber en 2 secondes, donc ça sera un beau défi. Mais on y arrive, puis ça, j'ai tellement hâte, là, tellement hâte qu'on soit tous sur le même toit, puis qu'on roule ça ici, puis de voir la nouvelle vie qu'on va vivre, là. J'attends ça depuis des années, là, tu sais. Quand on a pogné le deuxième étage ici, c'était une solution temporaire, mais nécessaire, disons, pas optimale, mais la meilleure, disons, qu'on pouvait avoir. Puis, tu sais, dès à ce moment-là, c'est comme, faudrait qu'on... On a hâte de déménager pour être tous ensemble. Fait que ça fait 2 ans et quelques qu'on rêve de ça, puis ça fait 1 an et quelques qu'on travaille là-dessus continuellement, puis on y arrive. Alors, ça va être un gros accouchement. Je vais prendre un respire. Ouais, puis sinon, vous avez vu sur ma page Facebook, je me suis acheté une arcade. Pour la maison, une cocktail Miss Pac-Man qui appartenait à mon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis, qui lui-même avait acheté ça, genre pour une bouchée de pain à un de ses amis. C'était une épave, là, la machine, là, complètement, genre, décalissée. Il n'y avait pas de jeu dedans, elle n'allumait pas. Il y avait plus de vitre sur le dessus, c'était un plexiglas, tu sais, comme tout était dérinché. Fait qu'il manquait un player, donc il manquait un côté où est-ce avec un joystick. Un cocktail, dans le fond, si vous savez pas, c'est comme un format d'arcade. C'est comme une table où est-ce que la télé est dedans la table, puis elle pointe vers le haut. Fait que t'as un joueur assis à chaque bout de la petite table, qui est le format rectangulaire. Puis c'est ça, t'as une manette là, et vis-à-vis le bedon, et puis tu joues là en regardant dans la table, tu sais. Puis mettons, tu joues à Miss Pac-Man, tu meurs, ben le jeu il se réaffiche dans l'autre sens pour l'autre joueur, tu sais. Fait que c'est super agréable. Et puis moi j'ai tout le temps voulu avoir pour la maison une machine cocktail. C'est un format vraiment parfait. Et puis tu te mets ta bière là-dessus, tu joues, tu jases, tu sais. Fait que j'ai installé ça chez nous, direct devant mon meuble Nintendo. Fait que j'allume mon meuble Nintendo, on voit tous mes jeux dans le meuble, et puis ça envoie une belle lumière sur les joueurs qui jouent à Miss Pac-Man avec une bière dans le sol. C'est très cosy, là, tu sais. Donc c'est ça, je veux faire l'ambiance autour de ça. Et puis, mais la machine, c'est ça, elle était vraiment très maganée, là. Elle a pris l'eau, là. Tout le bas, il est tout croûté, tout éclaté, tu sais, comme le faux bois, le pré-fini, je sais pas comment le dire, là. Le faux bois qu'il y a par-dessus, il relève dans le bas, tu sais. Tout le dessous de la table, il était tout plein de champignons moisis, là. C'est comme, c'est du plywood. Et puis la première couche de plywood était en train de s'enlever, tu sais, fait. Puis les pattes rouillées, orange, là, texture, là, rouillée, là, tu sais. Fait que j'ai enlevé les pattes, avec un scraper, j'ai tout enlevé la première couche de bois. Et puis là, j'ai ressablé ça propre. Là, je viens donner une couche de teinture pour la mettre bois foncé. Là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, je sais plus. Ça finit. Là, ça ressemble un peu au même brun qu'auto, mais tu sais, c'est en dessous, on s'en crisse. Mais en tout cas, je voulais faire ça propre, fait que là, je vais mettre une couche de vernis, et puis j'ai nettoyé la fan, j'ai nettoyé le dedans. La vitre d'origine avait éclaté sa machine, j'imagine, parce qu'il y avait des morceaux de vitre partout. Fait que avec mon super aspirateur Dyson, j'ai mis le bec pointu, puis j'ai pu aller dans les recoins ramasser toutes les cochonneries qu'il y avait là-dedans. Fait qu'il manquait un player, un player, comme je disais tantôt. Joe, lui, avait acheté un player, juste ça, genre sur eBay. Il l'avait installé, mais il manquait des vis, il manquait le petit plexi, il fallait revisser les lumières. Fait que j'ai tout gossé ça. Puis là, je fais du cosmétique dessus, c'est ça que je fais, comme du cosmétique. Et puis, un coup que je vais avoir changé les pattes, ça achève, là, je vais même pouvoir la mettre un peu plus haut. Fait que ça va être agréable. Et puis, je vais avoir ce bel objet-là chez moi. Donc, deuxième arcade, j'ai une Kix normale, stand-up, et puis upright, ouais. Puis une cocktail Miss Pac-Man. Et puis, chez Retro Montréal, présentement, il y a une Turtles, le premier Turtles, là, The Arcade Game, là, comme ça équivaut à celle-là au NES. Parce que chez Arcade Montréal, dans le bar, c'est Turtles in Time qu'il y a. Et puis, vu qu'on n'a pas de la place illimitée, on s'est dit on va garder le plus récent et le plus fun pour l'arcade, t'sais. Fait qu'on avait entreposé l'autre Turtles et puis finalement on l'a mis chez Retro Montréal. Les gens pouvaient jouer la fin de semaine, s'amusaient, puis la COVID est arrivée, fait qu'on l'a fermé depuis toutes ces années. Mais là, elle est fatiguée, là, l'écran il allume plus, faut la retravailler un peu. Mais ici, il n'y aura pas de place, t'sais, pour l'avoir. Puis là, faudrait la retourner chez un de nos partners, c'est lui qui garde tout ça chez eux, mais là c'est un peu tannant, ça prend de la place. Fait que je me demande si je peux pas réaménager ça, moi, pour chez nous, tu sais. Comme là, j'aurais une grosse Turtles en plus, 4 joueurs, j'étais en train de virer fou, là. Je vais mettre des arcades dans le sous-sol, tu sais. Là, vous avez vu aussi sur ma page Facebook, j'ai acheté un skate Shantae, Risky's Revenge, là, j'ai mis ça sur le mur. Fait que là, je suis comme dans une vibe de vouloir, tu sais, comme booster mon sous-sol gaming room. Puis peut-être que mon plus vieux, il va avoir son setup dans sa chambre éventuellement, genre bientôt. Alors, il libérerait le sous-sol. Et puis moi, ça me permettrait de bien m'amuser, de le reprendre et puis de le retravailler puis de le feutrer. J'ai bien envie de ça. Fait que, bien excité, je m'amuse à retaper cosmétiquement ma belle cocktail Miss Pac-Man. très bel achat, très heureux d'avoir ça. Puis le fait de l'avoir acheté à Jonathan aussi, ben si j'ai des problèmes ou des questions, whatever, lui est là pour m'expliquer ou pour m'aider. Là, déjà, je pense que le jeu il bug, là, fait que il va m'aider à replacer ça. Mais toujours pratique d'avoir un Johnny pas loin pour nous aider avec ça. Alors voilà, très bel ajout. Là, je fais juste vous pitcher des affaires en vrac, en vrac. J'ai mon petit line-up ici de choses. Ça va être un show quand même assez court aujourd'hui, je pense. Et puis, j'ai encore une question de M. Alan Bernard, donc qui m'écrit sur Facebook, qui est aussi un Patreon. Donc, si vous appréciez mon podcast et mes projets, en fait, vous pouvez devenir Patreon et donner ce que vous voulez, un petit dollar ou 400 dollars, si vous voulez, par mois. C'est à votre discrétion, c'est toujours très apprécié. Puis je sais que je le mérite un peu moins ces temps-ci parce que j'ai vraiment moins le temps de faire des podcasts. Mais je fais mon possible et puis c'est ça. Je suis vraiment dans le jus avec Retro Montréal pour vrai. Là. Puis après, je vais être dans le jus avec l'arcade aussi. Je vais en reparler après. Donc bref, voilà, vous pouvez être Patreon de Papa Cassette si vous le désirez. Et puis Alan pose une question. En fait, il m'a écrit. Il écrit, en gros, je vais résumer une partie de ce qu'il dit. Il parle de eBay, il met des affaires en vente sur eBay, puis ses ventes sont en chute libre. Et puis, il pense qu'on est en récession, présentement. Il dit, il y a souvent un délai de 15 mois avant de voir les effets de l'augmentation des taux d'intérêt sur les dépenses des consommateurs. Alors, lui, ses ventes ont chuté, et puis il me demandait pour ton prochain Papa Cassette, j'aimerais connaître ton opinion sur ce que tu penses de cette possible entrée en récession. Par contre, cette période est peut-être un moment pour acheter des lots à bas prix de personnes qui se débarrassent de leur stock afin de payer leur loyer. C'est ça. Ben moi, je pense aussi qu'on est en genre de récession présentement. Je suis moi-même en mode de genre faire attention aux dépenses, mais pour vrai, on le sent. On le sent ici chez Retro Montréal, on le sent à l'arcade aussi. L'arcade, ça s'est replacé un petit peu, mais tu sais, ça a été tranquille pendant plusieurs mois. Ici, on compare les chiffres avec l'année passée. On aurait souhaité les dépasser de certains pourcentages. Puis ça a commencé au début de l'année, ça allait bien. Puis comme on a eu des mois qui sont super bons, comme juillet d'habitude, était catastrophique cette année. Alors, il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Et puis, on regarde les statistiques, les hits sur notre site web. On a toutes ces stats-là. Le comportement des clients, des gens qui magasinent, on sort super haut dans des mots-clés importants. On a beaucoup, beaucoup de visites sur notre site web. Francophone, anglophone, tu sais, comme ça, ça n'a jamais été aussi dans le pic que présentement, mais les gens n'achètent pas. Les gens font du lèche-vitrine, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe présentement, je pense. Moi, je suis d'accord avec Alan, c'est. Présentement, le monde fait attention à leur argent et puis ça va continuer encore un bout certainement. Les récessions, on n'est pas techniquement en récession, à ce que j'ai entendu aux nouvelles, mais là, ils n'ont pas remonté le taux d'intérêt. Mercredi passé ou l'autre mercredi, là, tout le monde attendait après ça. Ils l'ont pas remonté. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le remonter encore. Moi, personnellement, tu sais, comme là, mon hypothèque, c'est complètement ridicule. Je paye 3 000$ d'intérêt puis 100$ de capital. Fait que faudra pas que ça soit de même pour toujours, disons. Mais c'est assez de la merde. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Ça me stresse, bien sûr. Parce que là, chez Retro Montréal, on vient de faire un gros investissement pour une grosse affaire et tout. Alors que les ventes sont vraiment moins là. T'sais. Fait que il va falloir que ça vende et que ça roule. Le timing était. Le timing était là. Il fallait prendre le local maintenant pendant qu'il était disponible. Il nous restait un an à notre bail anyway ou presque un peu moins que ça. Le timing était parfait. Mais avec l'économie, le timing est vraiment pas le bon. T'sais. Il aurait fallu que idéalement, ça aurait été l'année passée. Mais on peut pas tout contrôler, n'est-ce pas, dans la vie. On peut pas rien contrôler de ça. Le timing pour l'arcade est un peu mauvais aussi, parce que là, il faut racheter des partenaires, mais là, le bar a pas d'argent, puis là, il y a moins de monde qui viennent. Fait que là, on s'entend pas sur la valeur des parts à cause de ça, puis tout. Fait que tout ça, présentement, fuck ma vie. professionnel. Fuck mes projets, un peu. Ben, ça les fuck pas. On fait ce qu'on a à faire. On continue tout ça. Puis, that's it. Hope for the best. Mais, on n'a pas le choix, tu sais. Au pire, ça aurait été une mauvaise année. C'est tout. Puis, elle sera meilleure l'année prochaine. Je sais pas. L'important, c'est de pas se mettre dans la merde. Et puis, on n'est pas dans la merde, là. On n'est pas dans la merde, je pense. On est-tu dans la merde? On verra. Mais on a juste une vie à vivre, et puis je le sens, c'est ça qu'il fallait faire, c'est le bon moment, on n'a pas le choix, et puis faut foncer, et puis si jamais on est dans la marde pour de vrai, ben on trouvera des solutions, esti, puis on va bouncer, puis on va s'organiser. Ça nous arrêtera pas, cette récession-là, je vous en passe un lapin, fait que voilà. Mais pour ce qui est du rachat et tout ça, en effet, si présentement les gens ils achètent pas des jeux à 500$ complet en boîte, tu sais. Fait que c'est pas ça que les gens achètent présentement, ils achètent des petites choses. Il y en a, tu sais, mais pas mal moins. Fait que le gros stock, il reste ses tablettes, là, tu sais. On en a du gros stock, puis ils vendent pas. Fait que c'est ça qui se passe. Bien sûr, là, il y en a qui vont vendre ici et là, tu sais, parce que c'est très bon, un Earthbound en boîte, whatever, ça va toujours se vendre quand même semi-rapidement. Mais c'est plus long de vendre les grosses choses présentement. Fait que oui, les gens veulent de l'argent. Communique avec nous. Plein de monde vend leur collection présentement. Mais tout le monde veut de l'argent. Fait que tout le monde veut beaucoup d'argent pour leur collection. Mais ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que je peux pas te donner beaucoup d'argent pour ta collection parce que les gens achètent pas beaucoup parce qu'ils ont pas d'argent. Fait que tu veux me vendre pour avoir de l'argent parce que t'as pas d'argent, mais nous autres, on va perdre de l'argent parce que le monde nous l'achètera pas, tu sais. Fait que si tu veux vendre des jeux à 500$, puis je peux pas te donner du 70% là, comme plusieurs s'attendent. C'est des gros jeux. Ben justement, les gros jeux, ils dorment. Fait que techniquement, je serais supposé te donner moins. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à vendre. M'a donné plus pour des Mario Kart. J'en ai toujours besoin. Ça vend tout le temps. Faut qu'on en trouve. Mais des gros jeux qui vont dormir sur les tablettes, j'en ai pas de besoin, tu sais. J'en veux pas. C'est beau, là, avoir... gagné en boîte, là. Mais s'il est là pendant un an, ben c'est pas bon pour la business, t'sais. Fait que non seulement ça, on va le payer là cher, son prix va continuer de descendre parce qu'il y a des prix qui descendent là, plein de prix qui descendent présentement. Fait que tout le stock qui dort depuis une couple de mois, ben notre marge dessus abaisse. Ça, c'est pas bon, là. Faut que le stock il roule et puis that's it, t'sais. Donc, c'est pas tant présentement des lots à bas. Ben oui, en fait, on donne moins. On donne moins qu'avant parce que, écoutez, je peux pas vous donner autant. Ça va pas partir. Le monde achète moins. On n'a jamais eu autant d'inventaire présentement dans notre inventaire, là, comme le magasin il est plein. Ici aussi. Mais ici, comme on a passé à travers tous les jeux, ils sont tous testés, nettoyés, mis en inventaire. Là, on passe les consoles de plus en plus. Mais les racks à jeux sont pratiquement vides, là, t'sais. Fait que c'est ça. Le rachat se fait encore, toujours. En personne, ça roule toujours. Mais par communication, par courriel, t'sais, on nous en propose là, des collections là, d'une valeur de 50 000, là, t'sais. Mais la personne veut 40 000, t'sais. Non, ça se fera pas. Ce n'est pas possible. On peut pas faire ça. Puis une autre affaire, vos collections, là. Faut qu'il soit propre, guys. Faut qu'il soit propre. Parce qu'on te donne un prix, puis après, envoyez-nous des photos, tu sais, on veut voir l'état. Parce que, j'ai tel jeu complet en boîte au NES, puis là, tu regardes la photo de la boîte. Il manque un flap, il manque, tu sais, un bout. Livret, il est sun fade, tu sais. C'est pas complet, ça. Oui, il y a les trois choses, le jeu, la boîte et le livret. Mais la boîte est scrap, il manque un flap. Est écrasé sur le côté, il y a une déchirure en arrière. Ça vaut rien. Là. Je peux pas vendre ça. T'sais. C'est extrêmement difficile de vendre des gros jeux en mauvais état et des boîtes en mauvais état. T'sais. Très, très, très difficile. Personne ne veut acheter ça. Alors, pas évident. Fait que, t'sais, vos collections mint, assurez-vous qu'ils soient mint quand vous adressez à des boutiques. C'est un casse-tête d'essayer d'ajuster ça. Puis nous autres, ben c'est parce qu'il faut qu'on le vende nous aussi moins cher là, quand c'est magané. Là, fait que ça fait baisser notre marge. Alors voilà, beaucoup de discussions, beaucoup d'affaires, beaucoup de rachats qui roulent. Mais c'est moins évident. C'est moins évident. On donne moins, plus de négociations, les grosses calls. Là, les gens sont OK, c'est passé. Parfait. Puis après ça, comme un mois plus tard, ils reviennent. Ouais, ben finalement, peut-être, tu sais. OK. Parce que personne ne veut te l'acheter au prix que tu demandes. Fait que ça va être 10 000 de moins ce fois-là. Non, non. Mais on a besoin de stock par contre. Faut remplir le magasin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en bas avec tout ce qu'on a, comment est-ce qu'on va l'étaler et tout. Puis on a plein de nouvelles affaires aussi, là, autres que des jeux. Fait que ça, c'est, ça va être bien cool aussi. Bien, bien cool. Fait que voilà, Alan, c'est un peu la situation présentement. Ah, on a des belles consoles analogues, là. On a une mini NT noire, la NES. On a une Super NES, une Super NT. Et puis, ça vend pas. C'est des grosses consoles chères. C'est moins cher que sur eBay, c'est moins cher que Marketplace, ou à peu près égal. Et puis, on les vend pas encore, ces grosses consoles à 1000$ là, t'sais. Fait que c'est normal, puis je comprends. Moi aussi, j'ai envie d'aller au Game Over puis m'acheter le Shanté à 4000$, mais je vais pas dépenser 4000$ là. Mais j'aimerais ça, t'sais. 2000, je pense que je l'aurais acheté direct là, live. 4000, non. Mais je dis pas que ça vaut pas ça, là. C'est ça que ça vaut, tu sais. Mais je vais utiliser mon argent à autre chose, à l'arcade peut-être justement. Donc l'arcade, c'est, je veux vraiment comme prendre le temps de m'en occuper plus quand on va avoir fini le Blitz ici, chez Retro Montréal. Puis ça va faire du bien. Je suis en train de discuter avec des potentiels intéressés à peut-être prendre des actions dans l'entreprise et puis voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est bien le fun. Moi, je veux vraiment comme m'occuper de ça par la suite, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'arcade. Faut qu'on parle au proprio là, par rapport à notre bail. Puis il est dur à rejoindre, le coquin, puis il veut tout le temps le voir en personne. Fait que là, c'est bien étonnant ça. Ce qui est étonnant aussi, je veux des écrits, moi, je veux des affaires écrites, tu sais. Comme ça, on sait où est-ce qu'on s'en va, là. C'est des preuves. Je veux pas parler, tu sais. Fait que, en tout cas, on va y arriver, là, j'imagine, mais... il faut que je me prenne une note, je viens de penser à quelque chose. Tiens, j'ai oublié ça. Faut que je me book un rendez-vous pour me faire couper les cheveux, j'en ai pas tant de besoin. Mais bien sûr, avant le lancement et l'ouverture, ça va prendre un petit touch-up, une petite mise à jour, et puis j'ai pas le choix de faire ça la fin de semaine. Fait que ça va être samedi matin prochain, les cheveux. C'est ça que j'ai noté, cheveux. Faut que je prenne rendez-vous. Quand je raccroche avec vous autres, je prends rendez-vous sur Internet. C'est pas beau ça, la technologie? Moi, j'aime ça. C'est payé, t'arrives, salut, hey, coupe les cheveux, OK, fist bump, bye, c'est réglé, à côté de chez nous. Malade. Fait que, ouais, moi j'ai plein d'idées, là. Vous savez, à l'arcade, là, d'ailleurs, on a, de la façon que c'est fait, si vous êtes jamais allé, il y a un gros stage dans le fond, là, tu sais, parce que c'était un bar spectacle avant, le Café K.O., mythique bar de Montréal. Et puis, ce stage-là, il est à mi-hauteur de fenêtres, tu sais, il y a des fenêtres au fond, là, les fenêtres du devant de l'immeuble, dans le fond. Et puis, si on enlevait le stage, tu sais, on retomberait au même niveau, partout, et puis ça dégagerait les fenêtres, ça ferait un peu de lumière, et puis on peut ouvrir ces fenêtres-là, il y a un petit toit, puis sur ce petit toit-là, on pourrait peut-être faire une mini-terrasse, tu sais, où est-ce que genre 5-6 personnes pourraient tenir debout, peut-être deux petites tables, juste pour, tu sais, pour faire beau, pour ouvrir un peu. Je voudrais qu'on entrepose quelques machines. Notre télé pour la PS4 est tellement grosse. Elle prend la place de deux arcades à elle seule. Il faudrait revoir ça. Faut faire des ajustements. Là, puis j'ai bien envie de faire tout ça. Plus de déco. Notre poignée de bière Mario Bros, ça s'en vient usée. Là, un refresh. Là. Un refresh, là, ça ferait vraiment du bien. Pimper nos médias sociaux un peu aussi. Pour ça, faut être là-bas. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sortir dans mon bar. C'est parce que je sors plus aussi. Hein. Je suis plus vieux, alors je sors moins. Je fais plein d'affaires. Je fais rien que boire tout le temps avec des amis toute la fin de semaine. Mais plus au bar, tu sais. Fait que faudrait revoir ça. Donc, je suis bien motivé. Bien hâte de mettre les mains là-dedans. Puis qu'on passe à un next step, là. On est dû. Fait que, il me reste du monde à rencontrer, mais on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Mais sinon, c'est rien de plus à dire là-dessus. C'est un dossier un peu dormant ces temps-ci. Mais la prochaine étape, c'est vraiment de parler aux propriétaires et de parler au monde. Fait que sinon, je joue aussi à des jeux vidéo, vous savez. Malheureusement, là, j'ai des problèmes de Switch. Là, mes Joy-Con, ils déconnectaient tout le temps, tu sais, comme quand je joue portable. C'est qu'il fallait que je les déclippe, puis ça marchait pas, ça gossait, tu sais, c'était un petit paquet de troubles. Fait que là, je les ai changés. J'en ai pris des nouveaux, used, qu'on a reçus en magasin, des jaunes. C'est fantastique. Fait que là, je mets ça, ça marche, on joue. Puis là, ça a recommencé à faire ça. Fait que là, c'est comme si ma console, elle reconnaît plus les manettes, tu sais, comme qui sont clippées de chaque bord, les Joy-Con. Là, c'est un problème, ça, là. Moi, je joue tout le temps portable, là, tu sais. Je prends pas la TV parce que ma famille font autre chose. Donc, là, je joue. J'ai pas le choix de jouer dans TV, puis c'est correct, là. Mais de pouvoir jouer portable, ça me permet de jouer beaucoup plus. Vraiment, tu sais, comme n'importe quand, je pogne ça, puis je continue ma game un peu, je remets ça là. Là, à cette heure, ça fuck ma vie, ça, puis ça me fait chier en tabarnak. Ça me fait vraiment chier, pour vrai, parce que j'avais des Joy-Con qui ont drifté, je les ai envoyés chez Nintendo. Puis là, comme dans un party de chalet, mes Joy-Con se sont mixés avec ceux-là d'un autre, fait que je suis reparti avec ceux qui étaient pas les miens. Et bien sûr, ils drift. Fait que là, j'ai pogné. Puis là, j'ai mis ça de côté, j'ai pogné d'autres. Puis là, la console ne reconnaît plus ça. Fait que là, je prends ma Pro Controller. Mais là, il drift aussi un peu. Il fait par en bas. Il fait comme par en bas automatiquement, des fois. Fait que là, ça me fuck aussi. Fait que là, c'est quoi tout ça? Ça peut pas juste fonctionner. Faites donc des produits qui fonctionnent, les gens des jeux vidéo, tu sais. Les PS5, les Xbox, ça, c'est pas supposé péter ces affaires-là. Tu sais, comme tester vos affaires, je sais pas. Mais ça me met en colère, tu sais. Là, moi, ça me coupe mon élan de jouer, tu sais. Genre, j'ai plus du envie de jouer, là, parce que c'est problématique, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que ça me fuck. Ça me... J'aime ça avoir une game de Switch, là. Fait que là, je joue à Pocket, je joue à mon jeu de dragon Brick Breaker, là. C'est sympathique. Mais je joue pas beaucoup, là, ces temps-ci. Sauf depuis hier, parce que vendredi, c'était la sortie de Blasphemous 2. Et puis là, je capote. Christ que c'est bon. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, le premier, j'avais beaucoup aimé ça. Si vous savez pas ce que c'est, Blasphemous, c'était un Metroidvania thématique et ecclésiastique. Donc, église et tout. Et puis c'est très... c'est des sacrifices, tu sais. Puis c'est lourd, tu sais, c'est pénible, c'est troublant. C'est une ambiance troublante, étrange d'église, puis de martyr, puis tout ça. Puis tout le wording autour de ça est absolument incroyable. Un jeu magnifique. J'avais capoté sur le premier. Un jeu difficile. Certains diraient un Souls-like 2D. Où est-ce que tu attaques les ennemis, counter, frappe. Tu sais, c'est pas comme courir partout puis rentrer dans le tas. Là. Les ennemis, il faut que t'es gères, tu sais. Fait que, ben, t'as un dash, pis ci, pis ça, pis t'as plein d'upgrades que tu peux faire aussi. T'as un rosaire, tu peux y mettre des petites billes qui te donnent des power. T'équipes des affaires, tu boostes ton arme, tu sais, si, tu sais, ça. Fait que ça, il y en a du stock en masse. Mais, tu sais, pas trop non plus que ça devienne pénible. Mais, une autre idée. Fait que c'est bien balancé pour ça, là, les upgrades, et puis c'est pas lourd, tu sais, puis moi j'aime pas ça quand il y en a trop. Donc, puis le deuxième, ben, c'est exactement la même affaire, mais je trouve le gameplay plus tight encore. Personnage rapide, comme les combos, bouger les escaliers, comme le gameplay, ils l'ont comme accéléré, on dirait, un petit peu. J'ai pas rejoué au premier, là, mais c'est comme tight, ça coche. C'est vraiment trippant. Puis d'autres détails, tu sais, quand t'es game over, tu respawn à la shrine plus rapidement, tu sais. Quand tu sauvegardes, ça va plus vite. Tout est plus vite, tu sais. C'est des détails, mais qui font toute la différence parce que tu meurs souvent. Puis là, c'est le fun, t'as trois armes. Dans le premier, t'avais une seule épée. Mais là, t'en as trois. Et puis, tu peux changer quand tu veux. Ben, au début, tu commences avec une. Spoiler, mais c'est pas trop long que tu pognes les deux autres. Anyway, tu sais. Fait que c'est pas pour tout le jeu, là, quand tu choisis ton arme au début, inquiétez-vous pas. Ça va prendre les deux autres, ça sera pas trop long. Et puis, ouais. Fait que ça rajoute beaucoup, là, tu sais. Sont différents. Mais ils sont toutes le fun. Puis ils ont toutes leurs affaires. Donc, super trippant. Je vais être rendu à 15% là, du jeu de fête. J'ai battu un des trois gros boss. Faut tuer trois boss, puis après ça, on monte plus haut, puis on continue de faire autre chose. Mais c'est le fun de réexplorer, de se promener dans ce jeu-là aussi, puis d'aller faire des affaires qu'on n'a pas faites. Donc, c'est tellement bon. C'est tellement tight. Donc, j'adore. J'avais commencé Ghost Song. Man, c'est pas en même qualité, là. T'sais, quand j'avais Ghost Song, j'ai... Ah, les contrôles sont comme rough un peu. C'est un Metroidvania aussi. Les contrôles pourris, là, tu sais. Là, faut que je m'habitue, tu sais, le jump, puis c'est laid, puis ça a des séquences. On dirait que c'est pas fini, tu sais, comme jeu. Tu joues à là, j'ai comme mis ça de côté pour commencer Blasphemous, puis oh là. C'est comme si t'avais, si tu roulais en chevette, esti, puis là, on passait une BMW, là, tu sais, c'est autre chose. Là. Tu sens la qualité du jeu. Fait que c'est très cool. Et puis, voilà. Donc, vous jouerez à ça. Vous regarderez ça. Excellent jeu. Je vais essayer de le finir pour en parler à Rétro Nouveau dans 2 semaines. Et puis, ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Je veux finir avec ce que... Il y a eu un Nintendo Direct cette semaine. Et puis, j'essaie de trouver de quoi ils ont parlé. Et puis, il y a des choses ici. Voilà. Fait que j'ai une liste ici. Je veux passer ça vite. Toujours le fun de donner ses impressions. Paper Mario de Thousand Year Doors. Ça, c'est intéressant. Ils vont refaire le Paper Mario du GameCube. Et puis, au GameCube, le Paper Mario, il a pris de la valeur. Excusez, j'ouvre Price Charting là, en même temps. Je me souviens pas par cœur. Donc, au GameCube, une copie complète de ce jeu-là est sur Price Charting à 120$. Fait que chez Retro Montréal, doit être à 135$. Les AAA Nintendo les met un peu plus cher. Parce qu'ils vendent anyway, puis c'est pas. Sinon, c'est les scalpers qui vont les acheter. Hein. Fait que. Donc, j'ai hâte de voir l'effet que ça va faire. Parce que, tu sais, mettons Metroid Prime, il y a eu un boost de la valeur de ce jeu-là. À cause de la COVID, peut-être. À cause de l'annonce, tu sais, de la version Switch. Mais je sais pas. Mais il y a eu un boost, puis là, il est redescendu, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir si la sortie Switch va faire baisser le prix de Paper Mario de façon importante. C'est tout le temps difficile à prévoir, ces affaires-là. Fait que là, tu vois, il y a quelqu'un qui voulait nous vendre son Paper Mario. Fait que là, est-ce qu'on l'achète à ce prix-là? Il va dropper, tu sais. Ou peut-être pas. Fait que, je sais pas. Peut-être qu'il faudra lui offrir un peu moins que présentement. Mais ça se peut que ça drop. J'ai hâte de voir. On peut jamais le prévoir, tu sais. Mais je me rappelle dans le temps du Wii Store, je pense, comme Earthbound va être disponible finalement dans le store ou celui de la Wii U. Earthbound disponible en digital, tu sais. Fait là, c'est bon, oh non, la valeur va chuter, tu sais. Ça n'a pas bougé. Le jeu est resté exactement au même prix. Fait que, attendons voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce que le monde aime avoir l'original aussi. Hein. Moi, c'est comme mon genre, ça. OK, il peut avoir le nouveau remake, machin, c'est le même jeu, c'est le même fun. Mais c'est le fun d'avoir le vrai, tu sais. Comme Mario RPG, justement, Super Mario RPG. Quand ça va sortir, ça, est-ce que l'original va perdre de la valeur? Je pense pas. Sinon, F-Zero 99, c'était intéressant, ça. Oui, tout le monde attendait un nouveau F-Zero. Tout le monde veut un nouveau F-Zero. C'est malade, F-Zero. Pourquoi ils en font pas? Nintendo sont pas pressés. Ils sont en sac de toi. Ils ont des affaires, c'ti, pour rouler pour 100 ans encore. Fait que, ils pognent un petit truc de même. Juste assez, ils t'en donnent une goutte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que F-Zero 99 est un espèce de battle royale de course de 99 vaisseaux sur la même piste. Puis là, tu te bumps. Et puis ton shield, il descend. Puis quand t'exploses, t'es dead. Fait qu'en gros, c'est ça, il y a des petits tweaks et tout. On l'a essayé hier chez un de nos amis, et puis c'était le chaos. C'est le chaos là-dedans. Moi, je suis pas tant familier avec F-Zero, j'ai jamais joué, ça m'attire pas. Je suis pas tant un jeu de course, en fait. Je suis peu jeu de course. Mais j'admire ça. Ils ont fait de quoi de le fun. Et puis, tant mieux. On va voir si ça marche. Puis, il y en aura peut-être d'autres, là, petits jeux de Super NES comme ça qui vont faire des tweaks. Le fun, on le souhaite. Princess Peach Showtime. J'avais hâte de voir ça allait être quoi le jeu de Peach. Et puis, je trouve que c'est étrange. Je sais pas trop quoi en penser. Plateforme avec des suits pour être dans des niveaux différents. Certains ont des mini-jeux. Fait que ça a l'air d'être un mélange de beaucoup de choses. C'est pas un platforming Mario traditionnel, mais il y en a. Mais il y a un petit ruban à cheveux genre qu'on peut fouetter avec et tout. Puis que le jeu change complètement indépendamment que si t'es un détective, une détective ou bien une pâtissière. Fait que c'est ça. C'est, visuellement aussi, j'ai pas trouvé que c'était follement beau. Mais personne sait trop quoi en penser encore. Mais je vais l'acheter, je vais jouer avec mon fils. Je sais pas si ça joue à deux. Lui, il adore Peach, alors c'est sûr que je vais acheter ça. Et puis on verra bien. Là, il y a plein d'affaires là, que je vais pas toutes renommer là, parce que je m'en fous un peu. Les affaires de Splatoon 3, tu sais, whatever. Là, Another Code, jeu de DS, ça me parle pas. Je dis pas que c'est de la merde, rien que moi, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Trombone Champ. Hey, ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est un jeu de trombone, un jeu de rythme, de bonhomme qui joue du trombone. Ça a l'air con, là, tu sais, mais c'est juste de voir le monde tordant, à jouer sur le moche. Sinon, j'étais très content de Contra Opération Galuga. Galuga, c'est ça. Donc, il y a un nouveau Contra 2D classique fait par nos amis WayForward, qui sont aussi ceux qui ont fait Contra 4 sur DS, qui ont inventé Shantae, qui ont fait plein de merveilleuses choses, hein. WayForward, Double Dragon Neon, que moi j'ai aimé. Faut s'y adapter, hein. Faut pas chier dessus tout de suite. Donc, si vous connaissez pas WayForward, allez voir leur line-up de jeux, ils en ont fait des tonnes. Puis c'est pratiquement toujours bon. The Mummy Demastered sur Switch, c'était bon en esti, ça. Film de marde, mais le jeu était vraiment bon, un peu court. Bref. Mais le nouveau contrat, il est comme pas beau par contre. T'sais, c'est comme pas beau, mais il y a de l'air le fun. Il y a vraiment de l'air le fun. En co-op, tout, ils reprennent beaucoup de choses de la série originale. Et il y a des nouveaux stages aussi, donc ça va être un mélange de plein d'affaires. Très très très hâte que ça sorte. Je sais pas c'est quand, c'était même pas annoncé, hein? C'était soon. Fait que, belle nouvelle ça, en tout cas, ça sort de nulle part. Prince of Persia de Lost Crown. Là, je suis hype en maudit pour ce jeu-là, 2D de Prince of Persia, qui a de l'air très coupant, là, très sarcoche, là, t'sais, vraiment tight, là, t'sais. C'est un Metroidvania, peut-être aussi. Donc, absolument magnifique que Ubisoft prenne le temps de faire un jeu comme ça. Je suis très, très, très heureux. Ça a de l'air très, très bon. Donc, j'ai hâte à ça. Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Ça, c'était une surprise aussi. C'est pas vraiment beau. moi, ça m'attire pas vraiment. Mais c'est les trois premiers qu'il y avait au PlayStation 1 qui sont refaits. Et puis, qui vont être sur la même compile. Donc, je pense qu'on va en vendre. Je pense que ça va être populaire. Et puis, que ça va rouler. On va en tenir une couple de copies. C'est pas pour moi, mais bravo. Chapeau. Chapeau de Tomb Raider. Bien content que ces affaires-là existent. Dernière, il y a d'autres affaires, là, mais sinon l'autre affaire qui a retenu mon attention pour finir, Horizon Chase 2. J'avais aimé le premier, j'ai pas joué là, infiniment ce jeu-là, là, mais j'avais trouvé ça cool. Fait que c'est ça, c'est un cool direct. Ah, Mario vs Donkey Kong, ça c'est le fun. Moi c'est une série ça que j'adore, mais que j'ai adoré à partir de la DS, avec les minis qui avancent tout seul. Ça, mais ça, rendu là, c'est un peu Lemmings, tu sais. Avec ton stylet, tu fais tes affaires et tout. C'était super le fun. Mais l'original premier, Mario vs Donkey Kong sur Game Boy Advance, j'ai pas tant aimé ça, tu sais. Je me suis comme tanné un peu, là. Mais là, celui-là, c'est refait, et puis tu peux jouer ça à Switch, et tu peux jouer à deux. Fait que là, je pense que je vais vraiment avoir du plaisir avec mon fils à jouer à ça. Ça, je suis content. Je vais acheter ça aussi. Ça va être pas mal le fun. Et puis, j'ai bien hâte. Puis, bravo Nintendo là, de faire des beaux petits jeux encore de même. De. Ouais. Des beaux jeux comme ça qui excitent les gens et qui font qu'on en vend au magasin, puis ça nous aide. Ça nous fait des belles choses. Puis c'est des beaux jeux à vendre aux familles. Donc, c'est tout bon. C'est tout bon. Regardez ça. J'ai mis mon chapeau, j'ai mis ma casquette de l'arcade full brandé. Alors voilà. Ça va déjà être tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. 50 minutes de show quand même, c'est pas si mal. Alors, si vous êtes à Montréal, passez à l'espace public, vous cherchez la nouvelle Mario Paint. On n'a pas le droit d'en vendre chez Retro Montréal parce qu'on peut pas vendre la boisson, malheureusement. Sinon, dans les parages, au Pelousseau, chez Elvis, tu sais, comme dans les bonnes places de bière, il y en a. Merci à l'espace public, c'était bien le fun. Surveillez les médias sociaux de Retro MTL, surtout au cours des deux prochaines semaines. Beaucoup d'annonces, beaucoup de choses. On déménage tout, je vous ai déjà tout dit les dates, mais c'est là que ça se passe. Donc, très excitant. Allez prendre une pinte de bière ou un de nos fameux cocktails. Allez vous prendre un Orangina Off Time chez Arcade Montréal. Il y a des tournois le fun qui arrivent. Tournoi de GoldenEye vendredi prochain au 64. C'est pas beau ça? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Surveillez la page Facebook de Papa Cassette et Instagram. C'est là que je suis personnellement le plus actif pour parler, montrer mes affaires. Ça me plaît, je suis vieux. Et puis, merci à Level Up pour le café. Rendez-vous au levelup.coffee pour acheter du café. Utilisez le code PAPA10 pour avoir 10% de rabais. Et les cafés seront disponibles chez Retro Montréal. En vrai, à partir du mois d'octobre. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à Alan pour les questions. N'hésitez pas à commenter sur Facebook. Écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des humains, des interactions humaines. Donc, voilà. Je vais prendre mon rendez-vous de cheveux. Merci. Bye.